J'ai perdu ma flamme. J'ai perdu ta flamme qui allumait mon cœur. Je n'ai plus de raison de rester comme un con. Et un jour, si tu tiens, je monterai en haut pour voir si je tiens par ce qu'il peut. Si lui, ce qui nous fixe, valait vraiment le coup. Si on joue le bon tempo, s'il n'y a pas de raison de chanter juste où. Oh ouais, il est un petit mot. J'ai peur d'avoir perdu la belle vision. J'ai mis à l'écran, se déforme par le temps. Savoir plus si je pleure pour ma douleur ou pour la vision de moi dans tout ça. Ça ne sert à rien de croire en ces foutaises. Ça ne sert à rien de rester pour soi-même. Si il n'y a pas de cœur, on se tue sans s'abaisser.